quand nous avons déjà dans la phrase des mots comme « quoi », « pourquoi », « qui », etc., nous n'avons pas besoin de « ma ». Nous savons déjà que c'est une question. Et en attendant, « maman » peut aller se reposer dans un coin jusqu'à ce qu'on ait à nouveau besoin d'elle. Alors voilà un exemple. Le mot chinois « pourquoi » se dit « oui, chemin ». Oui, doigt noir pointé vers le sol, chen, doigt bleu levé, main, point fermé, oui, chemin, pour dire pourquoi. Alors dites oui, et puis dites chemin. Et maintenant, les deux ensemble, oui, chemin. Mais pourquoi je vous demande de dire oui et chemin? Tout simplement pour vous faire dire pourquoi. Oui, chemin. Comment dites-vous pourquoi? Oui, chemin. Et vous, comment dites-vous pourquoi? Oui, chemin. Attention, on dit oui, chemin. Alors le ma à la fin de pourquoi, c'est encore notre mot interrogatif. Et donc, maman n'a pas besoin d'être dans un coin. Eh bien, en fait, il y a une petite différence. Quand je le prononce, cela ressemble sans doute un peu, mais en réalité, je dis « oui, chemin ». Et l'autre interrogatif se dit « ma ». Ma. En pinyin, la transcription phonétique du chinois, le « me » que nous utilisons dans ce mot s'écrit « me » avec un « e », mais l'interrogatif « ma » s'écrit « ma » en pinyin. D'accord. Et en plus, il s'agit de caractères différents. Hein. Donc, le mot « pourquoi » se dit « oui, chemin ». Doigt noir pointé vers le sol, doigt bleu levé et point fermé. « Oui, doigt noir pointé vers le sol » signifie « pour », puis « chemin ». « Doigt bleu levé vers le ciel » signifie « quoi ». « Pourquoi » ou « pourquoi ». « Oui, chemin ». Donc nous avons obtenu deux mots ici à partir d'un seul mot, un mot de plusieurs syllabes. Et avec un mot de plusieurs syllabes, nous allons avoir plusieurs caractères, car chaque syllabe a son propre caractère. Vous vous demandez sûrement si les caractères s'écrivent différemment selon leur prononciation. Comme je vous l'ai dit, on parle de nombreuses langues en Chine, le cantonais, le shanghaïen, etc. Mais on utilise toujours les mêmes caractères dans ces langues. Donc, même si les caractères se prononcent différemment dans chaque langue, tous ceux qui parlent et lisent une langue chinoise peuvent lire le même livre ou la même revue, alors même qu'ils prononcent les caractères de manière différente. Alors, revenons au mot « pourquoi » qui se dit « Wei shenme ». Wei shenme. Alors, comment dit-on « pourquoi es-tu occupé ?» Pourquoi ? Wei shenme tu ni le mot vide hen occupé man. Bien, à partir de maintenant, je vais redonner en français les phrases et parties de phrases que vous venez de traduire. Vous n'avez pas besoin de fournir une traduction après ces phrases. Il vous suffit d'écouter ma collègue les dire en chinois. Donc, pourquoi es-tu occupé? Wei shenme ni hen mang? Alors, nous n'avons pas besoin du ma à la fin, hein, l'interrogatif, parce que nous avons un pourquoi. Nous avons déjà un mot interrogatif. Alors, comment dit-on pourquoi est-il occupé? Pourquoi? Wei shenme. Il. Ta. Le mot vide. Hen. Occupé. Man. Pourquoi est-il occupé? Wei shenme ta hen mang?